arrivé de tout est que quand les gens qu'on met la lampe qui de fait que là ne vont pas monter, montent pas, ou bien alors tellement pas. Alors quand on commence à les faire monter, les gens sont des dynamites de toute fois sur le bas. Bon, d'accord, la dynamite, il est défendu sur la main, enfin quand même. Il fait pas des breux? Et oui, il fait des breux. Et bien, les pouvoirs publics, ils disent rien, les élections sont faites. Alors, tout à coup, massacre tout. Alors, massacre le pays, massacre les fonds, et puis tu n'es pas que les sardines, que les Brésiliens, ils disent tu es les œufs, tu es tout. Et travaillons ainsi. Et alors, les pouvoirs publics vont savoir, mais ils ferment les yeux. Et s'il fait ici, t'as même. Eh oui, s'il fait tout. Quand on ne peut pas tenir les sardines sous la lampe pour monter, ils font monter ainsi. Alors, démolissons tout.